Radio Gemozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce lundi 21 février. Je suis Lia, je suis en direct avec toi de l'odeur du son. Je reviens tout juste de vacances et ça me fait bien plaisir de te retrouver. Et j'ai donc envie de commencer par cette petite citation de l'écrivain Robert Orben. J'espère qu'on dit ça, Orban, je ne sais pas. Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. Eh bien, c'est bien vrai. Allez, il est temps d'accueillir dans les studios mon invité d'aujourd'hui, Julien Bouchard. Julien, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Super, super bien. Eh ben, c'est cool. Merci beaucoup à toi d'être venu aujourd'hui dans nos studios. Alors Julien, je cite, tu es auteur, chanteur, compositeur, producteur, arrangeur et un pur talent de la French pop actuelle, rien que ça. Je sais pas, moi je fais juste des morceaux chez moi. Si tu devais te présenter alors, avec tes mots, justement, ça donnerait quoi ? Je sais pas, je dirais que j'écris des chansons et j'essaye de. Enfin, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Alors, c'est vrai qu'il y a on donne beaucoup de noms à tout ça, mais pour moi, c'est qu'une seule et même démarche un peu continue. Et bon, après, je me considère pas non plus comme un grand chanteur, quoi. J'interprète mes chansons comme je peux. Voilà. Simple, quoi. Ouais, simple. Voilà. Alors, tu as sorti en novembre dernier ton dernier album, Excuse My French. Ouais. C'est ça. Exactement. Alors, je cite encore cet album. C'est un assemblage de fragments de vie, humeur et langueur, plein de fougues, de trouvailles somptueuses, une sensation rock venue des Vosges. Plus on écoute cet album, plus on s'y attache, mais aussi un album aux multiples facettes avec une pop hypnotisante, aérienne et intimiste, ou encore de beaux textes colorés de poésie enroulés dans une French pop au relent de dream et d'indie pop. Voilà ce que la presse relate de ton nouvel album. C'est plutôt pas mal. Ah, ça fait plaisir. Et toi, cet album, comment tu le décrirais du coup ? Je sais pas, j'ai mis tellement de temps à faire cet album. En fait, il est venu, c'était assez laborieux parce que j'avais fait un premier disque qui avait plutôt reçu un bon accueil. Oui. Et j'avais un peu la pression et je voulais que ça soit tout en français. Mais en même temps, je voulais pas tomber dans les codes de la chanson française. Je voulais rester dans ce que j'aime moi, c'est-à-dire la musique anglo-saxonne. Et je voulais essayer de transformer un peu ça, mais en français. Donc c'était vraiment... C'est un album à titre d'expérience, quoi. Mm-hmm. Je pourrais peut-être me cacher à chaque fois de dire ça, parce que comme ça je me dédouane de toutes les erreurs que je peux y faire. Il y en a pas mal. Mais ouais, je prends toujours les disques comme une sorte d'expérience un peu nouvelle, comme ça. Et du coup, j'ai essayé d'installer un peu le langage français dans ce disque. C'était difficile, cette expérience? C'était assez compliqué, ouais, parce que je voulais faire simple. Je voulais faire simple, je voulais faire assez évasif, je voulais que ça soit quand même assez balisé, pour que les gens puissent s'y retrouver avec leurs propres expériences, avec leurs propres ressentis. Et donc, je voulais juste amener des images comme ça, en essayant d'être pas hyper précis, un peu sous forme de métaphore ou choses comme ça. Donc, c'était assez compliqué à faire, parce que moi, je suis quelqu'un de très dispersé, je suis dans les nuages en non-stop. Donc, pour me centrer sur quelque chose, c'est difficile de plus en plus. Et c'était plus facile de le faire en anglais ? C'était plus facile de le faire en anglais parce que c'est la musique que j'écoute depuis que j'ai commencé à écouter de la musique. Donc il y a toujours aussi quand on écrit en anglais, on se donne un tout petit, et qu'on est français, on se donne un tout petit peu moins dans le texte en fait. On se livre un peu moins, j'ai l'impression, enfin moi en tout cas. Mm-hmm. Voilà. D'accord, bah écoute, Merci pour toutes ces infos. On fait un plongeon dans ton univers, ça nous fait bien plaisir. Alors, tu es signé avec le jeune label belge Hot Puma Records. Ah oui. Ah, comment ça s'est passé cette histoire? C'est Sergio Tarona qui est mon ami maintenant et que je connais depuis presque 15 ans, puisqu'il m'avait signé sur un label qui s'appelait Anorak Supersport à l'époque où j'avais un projet qui s'appelait The Silent Days. Oui. Et donc. Donc on a fait un album, il y en a un EP chez eux, et ensuite Sergio a formé le label, a créé le label Hot Puma, et il m'a pris avec mon groupe de l'époque qui s'appelait Coco Business Plan, et là du coup j'ai continué avec lui. Génial. Ah ouais, j'adore travailler avec lui, c'est super. Ah bah voilà, super, on l'embrasse. C'est grâce à lui, Sergio, que tu es là aujourd'hui. Alors cet album, ce tout nouvel album, il est disponible en vinyle, en CD et en digital sur Bandcamp. Ouais. Pourquoi ces trois formats? Alors le vinyle, tu l'as ramené, c'est génial. C'est vraiment, c'est un coup de cœur, ça, ce vinyle quand même, ce format de. Ah, moi, je suis très attaché au vinyle, mais j'en ai toujours acheté des vinyles, j'en ai toujours écouté. Maintenant, ça revient à la mode, c'est un support qu'on vend peut-être même plus que le CD. Et alors, du coup, je voulais vraiment avoir un vinyle, quoi, parce que déjà, je voulais l'écouter sur ma platine. Et ensuite, je trouve que l'objet est bien, quoi. Oui, ça met une atmosphère tellement particulière quand on écoute des sons en vinyle. Ouais, j'aime bien. Ouais. Je suis en train de me racheter plein d'albums, là, en vinyle. Bah voilà. Donc, c'était ton choix à toi de vouloir le produire en vinyle aussi. Ouais. Ok. Avant d'en savoir plus tout au long de cette émission sur ton album et aussi ton univers, Julien, je te propose d'écouter un son. Tu me dis ce que t'en penses. Ouais, bien sûr. T'es prêt? Allez. Allez, c'est parti. Auditeur, j'espère que tu passes un bon moment avec nous sur le 107 FM ou depuis notre site internet ou encore les applis gratuites Radioline ou Orange Radio pour nous écouter partout où tu le souhaites. Hein. Je sais pas, au bureau, sur ta chaise longue, allongée sur le canapé avec ton chat ou encore dans ton bain moussant. Julien, est-ce que tu écoutes la radio ? Pas vraiment. J'écoute des playlists. J'écoute pas. Non, j'écoute pas la radio. C'est pas grave. Je regarde plus la télé. J'écoute pas la radio. Enfin, je regarde des trucs sur un écran, mais je regarde plus la télé, quoi. Très bonne initiative. Ouais. Je partage. On vient d'écouter un son. Est-ce que tu as reconnu ? Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'était ? Ah, c'est mon idole devant l'éternel. C'était Dinosaur Junior. Ouais. C'était James Kix. Ah ben ouais, tu veux que je t'en parle un peu ? Ah ouais, un groupe de rock indépendant américain, un groupe de rock avec lequel t'as grandi, il me semble, ah voilà, ouais, que t'affectionnes beaucoup. Ouais, c'est dans mes premiers amours. En même temps, j'écroche même pas vraiment de ce genre de truc. J'écoute toujours avec beaucoup d'attention les disques, plus les vieux disques que les nouveaux albums qui me laissent un peu plus indifférent maintenant. Mais ouais, si j'adore quoi. Sa voix, elle me fait rêver. Il y a beaucoup de gens qui la trouvent très moche. Et moi, trois secondes d'intro là, et j'étais parti là. Je regardais les sapins dehors, c'était super. Ben oui, t'étais transporté, ah, ouais. J'ai bien vu. Quels artistes ont inspiré Julien enfant ? Julien enfant. Oui. Alors quand j'étais tout petit, j'écoutais Michael Jackson. J'étais super fan. Michael Jackson, je voulais me friser les cheveux et tout. Je voulais avoir la même veste que dans Thriller. J'ai pris la tête à ma cousine pour trouver une solution. Et est-ce que tu l'as trouvé ? Non. Ah, dommage. Finalement, c'est pas plus mal aussi. Et puis après, j'écoutais, mon premier amour, c'était vraiment Michael Jackson, quoi. Ouais, premier artiste qui m'a fait découvrir quelque chose, quoi. Ouais. Est-ce que t'as grandi dans une famille de musiciens ? Non. Okay. Mon père fait de la peinture. Mais je suis vraiment le seul. C'est sorti de nulle part. Un jour, j'ai vu Sonic Youth sur MTV. Et je me suis dit, j'ai trop envie de faire la guitare. Ces mecs sont en train de frotter des guitares contre des trucs, là, des blocs. Après, j'ai su que ça s'appelait un ampli, tout ça. Et j'ai trouvé ça tellement bien. Et voilà, j'ai voulu faire la guitare. J'ai commencé vers 13-14 ans, un truc comme ça. Ah ouais, mais commencé assez tard. Ouais. En autodidacte, ou alors t'as pris des cours ? J'ai pris un peu de cours avec un voisin là, qui est en face de chez moi, qui était guitariste, qui m'a donné quelques cours. Et puis après, j'ai fait un groupe. Ouais. Et puis on apprend jamais mieux qu'en faisant les choses voilà, par soi-même. Le recul, c'était pas mal, le groupe quand même, avec du recul. C'était super, ouais, j'ai adoré, on faisait des reprises de Nirvana, Sonic Youth, tout ça, c'était super. Génial. Ouais. Donc t'es tombé dans le grand bain de l'univers incroyable de la musique en regardant la télé, en ayant envie de faire de la guitare. Ouais, en regardant une émission qui s'appelait 120 minutes, c'était une émission passée sur MTV, qui diffusait un peu la musique alternative, comme ça. Super, à quel moment t'as voulu écrire des chansons ? Et en fait, dès que j'ai commencé un peu à connaître des accords sur une guitare, je me suis dit que ce serait rigolo d'essayer de les enchaîner les uns avec les autres, c'est de trouver des mélodies. Comme ça, je pense que ça a toujours été un peu là. Et puis quand on avait un groupe, là, quand on était petit, on a écrit des chansons, on a fait des morceaux à nous. Et c'est vrai que le processus de création est carrément aussi amusant que d'essayer de reprendre des chansons quand on est gosse. Et je pense qu'on n'est jamais aussi créatif aussi qu'entre 15 et 25 ans, en fait. Ah ouais? Pourquoi? Je trouve que tout le cerveau est ouvert comme jamais plus le sera plus tard, quoi. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de la première chanson que tu as écrite ? Ah ouais. Ouais, carrément. Ça parlait de quoi ? Ça s'appelait Sunday Morning. Ça racontait que le Sunday Morning, on a envie de rien faire. C'est toujours d'actualité ? Non. Ah, tu t'en rappelles encore ? Tu peux nous la faire ou... Non, je m'en rappelle. C'est fini. Il y avait quatre phrases, mais je serais incapable de m'en rappeler, mais je me souviens un peu des notes. Tu as eu de multiples projets, hein. Tu as eu de multiples projets, pardon, et de collaborations, comme tu nous le disais tout à l'heure, Coco Business Plan ou alors Silent Days. Est-ce qu'il y en a eu des autres encore ? Ah, j'ai joué sur les albums de potes à moi, j'accompagne des chanteurs aussi, qui font des albums assez régulièrement. J'adore accompagner mes potes en concert sur des albums, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et ouais, ça fait partie de mes collaborations. Là, on a encore enregistré un disque pour Jean Elliott Senior, qui est un chanteur nancéen là, qui devrait sortir sous peu. Ah, super. Ouais. On a hâte d'écouter tout ça. Ouais. Tout de suite, quand tu étais enfant, tu t'es dit je vais être chanteur ? Ah non, non, non, je me suis pas dit ça. Enfin, je dis non, mais oui, en fait. Je me suis pas dit ça comme ça, en fait. Je me suis dit, tout m'emmerde, sauf ça. C'est une bonne motivation. Ouais. Une très bonne motivation. Non, ouais, si, je me suis dit que j'avais envie de faire ça. Alors, j'avais envie de faire de la musique, j'avais envie d'être musicien, en fait, mais pas chanteur. Chanteur, l'idée du chanteur, non, j'avais envie d'être dans un groupe de rock et de jouer des trucs, quoi. Ouais. Voilà. Mais d'être au devant de la scène, chanter, c'est quand même pas pareil que de juste faire de. C'est un truc avec lequel j'ai encore beaucoup de mal. Je suis en étant. Total conflit avec ça en permanence, en même temps, parce que je me dis mais pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça quand je me retrouve devant des gens que je suis pas à l'aise et tout ça, et en même temps j'ai tellement envie de le faire. C'est je pense que j'arriverai jamais à résoudre ce truc là. C'est en conflit permanent, je pense. Dualité, quoi. Ouais. D'accord, je vois. Après, j'imagine qu'une fois que tu commences à chanter, à faire ta musique, peut-être que tu passes dans une autre dimension. Il y a des moments, ouais, où c'est pour ça qu'on a envie de le faire. C'est parce qu'il y a des moments qui sont un peu magiques et on sent qu'il se passe quelque chose entre les gens qui écoutent et ce que tu joues. On sent qu'ils perçoivent ça, que toi, t'es plutôt apte à donner quelque chose. Et ça, c'est des moments. Et c'est sûr, on se dit vivement que ça recommence. Ça vaut le coup. Ouais. Voilà. En 2016, tu sortais un premier EP digital. En 2017, sortait Songs from la Chambre. Ouais. J'ai mon accent anglais est pourri. Hein. Ton premier album qui n'a pas manqué d'être repéré par la presse indépendante qu'il avait crédité d'un joli succès d'estime. Donc, du coup, ça mélangeait vraiment le français et l'anglais. Ouais, hein, on le disait tout à l'heure. Dans l'un des très nombreux articles que j'ai pu lire sur toi, il dit que tu as pris de la hauteur ou plutôt de la profondeur en basculant pleinement dans la langue de Molière. Ouais. Il y a eu donc une vraie évolution entre ces deux albums. Ouais, en fait, Songs from la Chambre, c'était mon premier album à moi. On va dire que c'est pas mon premier album puisque j'avais déjà fait des disques avant. Ouais. Mais je me suis mis dans l'optique où c'était, allez, on va dire que c'est mon premier album. Donc du coup, c'est un espèce de patchwork de plein de chansons que j'ai cumulées, que j'ai ramassées les années qui ont précédé la création de ce disque. Et du coup, il y a plein de choses qui sont un peu des fois pas très cohérentes les unes avec les autres, mais ce qui donne un côté intéressant, c'est un peu comme une espèce de jungle sonore, cet album. Je l'aime beaucoup et je l'enregistre avec zéro moyen, j'avais juste un ampli et une pauvre carte son, et du coup je me suis vraiment donné beaucoup de mal à le faire, et je suis plutôt content parce que je l'ai réécouté il y a pas longtemps et je me suis dit que je regrette rien du tout, contrairement à d'autres albums que j'ai pu faire avant. C'est vraiment le seul disque, même si le son est cheap et tout ça, et je me dis il est cool, quoi. Mais combien d'albums du coup en tout alors tu as fait? En vrai, des albums, j'ai dû en faire un avec Silent Days, plus un EP, plus un disque avec Coco. Ouais, je dois faire 5 albums. Quand même, ok. Ouais. Cette fois-ci, tu as voulu le faire uniquement en français, on en a parlé tout à l'heure pour les raisons que tu nous as dit. Excuse my French, c'était un peu ironique de ta part du coup? Ouais, c'est ce que disent les Américains avant de jurer. Ah bon? D'accord. C'est aussi une idée de Sergio, du label. J'avais pas d'idée pour ce titre-là. J'avais donné tellement d'énergie à essayer de faire des chansons un peu qui soient pas ridicules en français, que j'étais rincé, que j'avais pas d'idée pour le titre et rien. Donc on a trouvé ça, c'était plutôt marrant, c'était plutôt paradoxal avec ce qui se passe dans le disque et tout ça. Et voilà. C'était plus long de composer en français? Ouais, c'était plus long. Ouais. Ouais. C'était vachement plus long parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on revient. Il y a plein de choses où on se dit non, ça c'est nul, on va tout recommencer. Et moi je suis un mania des arrangements. Alors même s'ils sont simples sur le disque, il faut savoir que j'ai passé beaucoup de temps, que j'ai eu des trucs qui étaient vachement plus compliqués, que j'ai enlevé, des trucs que j'ai refaçonné. Combien de temps t'as pris? Je suis un peu un psychopathe, quoi. ça m'a pris à plus de 2 ans, mais ouais. J'étais pas tous les jours dessus. Hein, mais c'est. Ouais, et puis ce qu'il y a, c'est quand on fait les choses soi-même, chez soi, dans son petit studio, c'est qu'on se dit qu'on a le temps et après on se laisse un peu aller dans cette dynamique où on traîne la patte, quoi. Procrastiner. Un peu. Ah, bon, on t'en veut pas. Pour cet album, tu t'es retiré dans ton nouveau home studio sous les sapins, j'ai lu ça, hein, ouais. Ici dans nos Vosges. C'était important pour toi de créer cet album ici, ça t'inspire les Vosges? Ouais, moi j'adore les Vosges, j'adore me retrouver ici. C'est l'endroit que je préfère en France. Mais t'as bien raison. Je bouge souvent un peu à droite à gauche pour des concerts et tout ça. Enfin, pas pendant des concerts pour moi, mais pour des concerts de trucs dans lesquels je joue. Et je suis tellement content à chaque fois de revenir ici et je me dis que c'est le plus bel endroit du monde, quoi. Ouais, ça, je suis d'accord. J'ai lu encore une fois, j'ai passé mon week-end à lire, hein. Des articles d'accord. sur toi. Ah, okay. Hein, je sais tout. Ça va, tu m'en veux pas, je t'ai pas fait passer à côté de Non, je t'en veux pas du tout. Ouais. J'étais très contente de plonger dans ton univers. J'ai lu donc il y a quelques temps que l'un de tes rituels était d'être enfermé dans ton home studio entouré de tes nombreux carnets à spirale dans lesquels tu griffonnais les paroles de tes chansons et consignais méthodiquement toutes tes idées, épaulées par ton fidèle ordinateur et ta guitare préférée. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, là, maintenant je note des trucs sur mon iPhone que je mets à la corbeille. C'est plus simple. C'est plus simple, ouais. Ouais, non, je me dis qu'il faudrait que je consigne encore à nouveau des choses dans un carnet et tout ça, mais non, là, je suis trop dispersé en fait. Mais c'est un peu comme le vinyle, le carnet à spirale avec toutes les petites notes griffonnées. Ouais, tu vois, ouais. Ça a pas de prix. Non, c'est bien. Quand on retrouve ça, c'est précieux, on se replonge dedans et tout ça. La technologie nous fait beaucoup de mal. C'est vrai. Je suis d'accord. Tu laisses ta plume se perdre au fil des humeurs du moment. J'ai lu ça aussi sur ce nouvel album. On dit toi que tu es un artiste à fleur de peau. Comment ça se passe l'écriture? Qu'est-ce qui t'inspire? Ce qui m'inspire, c'est comme je pense la plupart des gens qui écrivent des chansons, c'est ce qu'on ressent, c'est ce que la vie nous fait à nous, quoi. Et il y a des thèmes qui reviennent souvent dans les chansons des gens que j'aime bien, moi, dans les chanteurs en général, c'est l'amour, la mort, les rapports humains. Voilà, c'est une traduction de nous, ce que nous font ces sentiments à nous en tant qu'être humain, quoi. Voilà, mais il y a quelques thèmes comme ça qui sont très récurrents. On peut écrire sur l'amour tout un disque, enfin, je veux dire, c'est inépuisable, quoi. C'est un moment où tu te défoules, tu vides ton sac quand t'écris, ou est-ce que t'essayes de... Quelquefois je vide mon sac et quelquefois je me contiens. J'aime bien me contenir, moi. Je trouve que c'est un sentiment qui est très confortable de distiller des choses un peu au compte-goutte et de laisser les gens un peu essayer de deviner le message de la chanson ou l'ambiance ou voilà. Et c'était quoi la question? Est-ce que tu te défoules quand t'écris? Certaines fois, je peux me défouler. Ouais. Ouais, certaines fois, je peux me défouler quand il y a un peu un sens caché, ou alors quand je trouve des trucs un peu drôles, que je me dis ah ouais, ça c'est rigolo, j'aime bien, je suis content. Est-ce qu'il y a un grand message un peu universel à ton album, ou est-ce que chaque chanson au final a son propre message, son propre univers? Waouh, je sais pas, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça comme ça. Ça, je suis pas un chanteur engagé, ça c'est sûr. Je suis replié sur moi-même et en fait, je sors des disques où je donne mon avis, je donne mon point de vue sur des sentiments, sur des choses. Après, je comprends que les gens n'ont peut-être rien à foutre et n'aient pas envie de connaître mon point de vue sur telle ou telle chose. Mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Je trouve que c'est déjà pas mal de boulot d'essayer de faire quelque chose de cohérent là-dedans. Alors, j'ai pas de grand thème et tout ça. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde, comme dirait Zizi Bourdon. Mais voilà. C'est plutôt les mots avant les mélodies ou l'inverse, où il n'y a pas de règle au final? C'est toujours les mélodies, moi, avant. Ouais. J'aime bien les mélodies, j'aime bien chercher des mélodies. Je suis un grand fan de pop, donc vraiment. Je prends toujours une guitare et une suite d'accords et après j'essaye de trouver la plus belle mélodie chant que j'arriverai à mettre dessus. Voilà, c'est toujours comme ça que je commence et après les mots ça vient en yaourt. Alors maintenant que j'essaye de chanter en français, je fais du yaourt en français, c'est drôle. Ça donne quoi? Ouais, ça donne, je sais pas moi. On y va, on prend le temps, un truc comme ça. C'est pas mal comme yaourt, je trouve. Comment tu le décrirais, toi, ton univers musical? Ou alors, tu le décris pas parce que t'as pas envie qu'on te mette dans une case? J'en sais rien. C'est vrai que pour le coup, j'ai sorti un disque qui était vraiment, même au niveau du son, très typé années 90. Alors, comme je disais, inconsciemment, j'avais envie de sortir un disque un peu vraiment années 90. Et c'est vraiment une étiquette et c'est vraiment une ambiance sonore qui me suit depuis très très longtemps. Oui. L'album d'avant était moins comme ça, était un peu plus folk que... Tout ça, je me rends compte, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler de moi, mais en fait, je crois que mon univers est vraiment vraiment ancré là-dedans. Après, pour un prochain disque, moi, je pensais essayer de faire quelque chose plus en guitare-voix, quelque chose de vraiment plus folk, mais vraiment avec très peu d'arrangements, quoi. Acoustique, ouais. Complet. Ouais, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose comme ça. Ça, c'est chouette. Ouais. Est-ce que tu nous fais un petit son, là ? Ouais, si tu veux. Allez. Je vais enlever mon casque, pour le coup. Oui, vas-y, enlève ton casque, je comble pendant ce temps. Je t'entends. Bien, tu m'entends par en dessous de la table. Ouais. C'est bizarrement dit, mais c'est vrai. Je ne sais plus depuis quand vraiment je connais ton odeur et tes gestes tout mieux. On est resté là longtemps sans plus que jamais l'on ne sorte de cette torpeur qui nous frappe et nous tord le ventre. On est plus fragile et solide à la fois. On se tiendra face au vent dans les arbres comme une tempête qui répand d'autres flammes. Je ne serai plus vraiment la même femme loin de ton regard. Jamais l'on ne sent le temps qui file entre nos doigts. On ne croyait pas, on n'a plus la vie qu'on a connue avant. Je danse contre toi lentement, me lever dans tes bras éternellement. Suivre chacun de tes pas dans le temps qu'il nous restera. Incroyable ce son, tellement d'émotions quand j'écoute. Ah bon? Je voudrais que tu t'arrêtes jamais. Comment elle s'appelle cette chanson? Elle s'appelle Comète. Comète. Ouais, une histoire d'amour. Ok. Ouais. Elle est présente sur ton. Ouais, c'est la dernière piste de mon album. Ah bah ça va passer en boucle, hein, ça. Ouais. Ça passe directement en rotation sur les ondes de Radio Guimauzo et dans ma playlist. Trop cool. Moi j'écris un petit peu et j'ai besoin de sons comme les tiens pour m'inspirer, tu vois. Des sons qui provoquent des choses en soi. Ah ouais. Et qui te font aller dans un monde intérieur, totale introspection, et tu réussis ce moment-là. Ah, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. Est-ce que tu es d'accord pour que ce soit le moment où tu te mettes un petit peu à nu devant nous, mais t'inquiète pas, tu peux garder ta veste. Ok. Juste quelques questions un petit peu loufoques, perso. Allez. Pour te connaître un peu plus. Quel est le titre de musique que tu adores au point d'en faire une indigestion, ton titre un peu péché mignon, quoi? Waouh, alors moi il y en a plein, parce que dès que je commence à écouter une chanson, je l'écoute en non-stop et je suis assez obsessionnel. Il y a plein de chansons, que j'écoute beaucoup, et en fait, il y a même beaucoup d'artistes que j'écoute tout le temps, que j'écoute, c'est toujours les mêmes depuis toujours. Une chanson, j'en sais rien. Moi. Lesquelles, à peu près, enfin, des artistes que tu aimes écouter? En ce moment, là, j'écoute beaucoup les Beatles. Tous les matins, je me lève et je mets Sgt. Pepper. Yes, pas mal. Tous les jours. Ah oui, ok. Ouais. T'as besoin de ça pour te mettre dans une vibes particulière? Tu choisis tes sons par rapport à... Ouais, par rapport à l'humeur du jour et tout ça. Et, enfin, l'humeur du jour qui va durer plusieurs jours, pour le coup. plusieurs l'humeur semaines. L'humeur des prochains jours. voilà. Ça fait un super titre d'émission, ça, l'humeur des prochains jours. L'humeur des prochains jours. Quelle est ta guitare préférée? En ce moment, c'est ma Jaguar, ma Fender Jaguar. Mmh. J'ai eu beaucoup de mal à me procurer. C'est vrai. Je suis gaucher, c'est hyper tendu pour trouver les guitares qu'on adore. Et ça faisait des années que j'en cherchais une et tout ça, et j'ai fini par en trouver une. Et du coup, c'est ma guitare préférée. C'est tellement ma guitare préférée que je joue même pas dessus. Je la regarde. Elle est dans mon studio, posée sur un fauteuil. Je n'ose même pas l'amener en concert. Tu lui fais des petits câlins. C'est scandale. Ouais. Si tu avais un toc de scène, est-ce que tu en as un et lequel c'est? Le flip. Ok. Le flip, je me gratte derrière la tête, 150. Non, toc de scène, j'en sais rien. J'ai tellement la tête dans les nuages et je suis tellement dans la lune que j'ai toujours peur d'avoir oublié de brancher mes pédales ou d'avoir oublié mes textes ou je sais pas. Donc, t'arrives à être dans l'instant présent quand même? Ouais. C'est un peu difficile quand on est un peu une cosmique comme ça. Ouais, mais une fois qu'on est lancé, ça va. Ça t'ancre, en fait. Il faut toujours un peu, deux, trois chansons pour me mettre dedans et après, normalement, c'est bon. Les racines poussent. Si tu pouvais faire un duo avec n'importe qui, ça serait qui? Ce serait Evan Dando de Lemonheads. Yes. Pourquoi? Parce que je l'adore. Je l'écoute depuis que je suis gamin. Et je lui ai demandé une fois. Il m'a répondu ouais, pourquoi pas. Et comme il a l'air un peu encore plus lunaire que moi, il m'a pas répondu après. Ah, faut relancer. Mais je lui en veux pas parce qu'il, voilà. Peut-être qu'il aime pas, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir pu lui demander, d'avoir un peu pu discuter avec, parce que vraiment, j'adore ce qu'il fait. Voilà. Ok. Ta citation favorite? Ma citation favorite. Alors, ma citation favorite. On n'est pas là pour acheter du terrain. Je connaissais non, pas celle-là. Non, j'ai mieux. Sympa, c'est pas un métier. C'est génial. C'est bon, je les connaissais pas. C'est mon pote Teddy Lagouyatch qui m'a appris ça. Sympa, c'est pas un métier. Ouais, j'adore. C'est super. Excellent. Qu'est-ce qui te fait rire aux larmes? Être en tournée avec mes potes. On a des moments où vraiment on arrive à avoir des moments de grâce humoristique intense qui sont nourris par la fatigue. Ah oui, ouais, je comprends. L'instrument que tu aurais adoré pratiquer mais que tu es incapable de jouer finalement? Alors je joue un peu de clavier, mais j'aimerais vraiment avoir le temps, ça fait des années que je me dis ça, de pouvoir vraiment me mettre au piano à raison de plusieurs heures par jour, quoi. Eh oui. Il faut vraiment que je le fasse, quoi. J'en ai très très envie, j'adorerais pouvoir m'accompagner avec juste un clavier, quoi. C'est génial. Piano. Ouais. Alors je joue un petit peu de clavier, mais pas assez bien pour pouvoir faire ça. C'est et je me dis, il faut vraiment que je travaille ça avant de mourir. Ah bah oui, c'est mieux. C'est la bonne résolution de l'année. On verra si l'année prochaine tu l'as faite ou pas. Une anecdote de scène. Une anecdote de scène. Vraiment le moment le plus particulier que tu as vécu sur scène. Quelque chose qui t'a marqué. Quelque chose qui m'a marqué. J'en sais rien. T'es dur avec moi. Quelque chose qui m'a marqué, je sais pas, chaque concert est tellement toujours différent, il y a toujours du bon dans chaque chose. Une anecdote de scène. Alors lors d'un de mes premiers concerts, j'ai eu un pote qui me suit depuis très longtemps, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit ça va aller. Et c'est quelqu'un qui m'écoute depuis très longtemps. Et j'ai vraiment senti toute la bienveillance. Ça m'a vraiment donné beaucoup de courage. Et je me rends compte que je suis vraiment entouré par des gens qui sont très sympas, qui sont très bienveillants avec moi. Et grâce à eux, j'arrive à pouvoir faire ma musique, quoi. Justement, est-ce que les gens avec qui tu as commencé il y a quelques années, ou les gens un jour que tu as croisé, savent que tu es musicien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ce que tu fais, ta famille, tout ça, tous tes proches qui t'ont vu commencer? Bah, les gens qui m'entourent sont plutôt contents. Que je fasse de la musique et que j'en fasse mon métier et que ils savent, voilà, ceux qui me connaissent savent bien que je pourrais pas faire grand chose d'autre. Après, il y a toujours des gens aussi qui peut-être des gens qui sont peut-être un peu moins proches de moi, mais qui comprennent pas à partir du moment où on n'est pas célèbre pourquoi on fait de la musique et tout ça. Et il faut toujours un peu expliquer que c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt une obligation qu'on a envers la vie, parce qu'on se sent pas de faire autre chose, et que le but c'est pas de passer à la télé, ou c'est pas d'être en rotation lourde sur RTL 2, enfin, ou voilà quoi. On a juste envie, enfin on n'a qu'une vie, on est là pour la passer à faire des choses qui nous branchent, quoi. Et voilà, moi je suis très heureux de vivre comme je le fais, de faire ce que je fais et de le faire à mon niveau, parce que je me demande bien si à un niveau supérieur ça serait pas trop pour moi. En fait, c'est une ambiance particulière, c'est ouais. Vibrons la vie, voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Ouais, c'est ça. Si tu pouvais jouer sur n'importe quelle scène du monde, n'importe quel endroit du monde, lequel tu choisirais? J'irais jouer à San Francisco, parce que j'ai envie d'aller voir cette ville. Mm-hmm. J'ai envie d'aller respirer l'air post-hippie des années 60, qui doit toujours rester un peu là-bas, même si c'est maintenant la ville de tout, des GAFA et tout ça. Ça sent la grosse thune à plein nez. Mais je pense qu'il doit rester un truc dans cette ville. J'en discutais avec un journaliste belge une fois, il me disait qu'il y avait toujours ce côté-là dans cette ville. J'aimerais bien déjà y aller, en fait. Peut-être jouer là-bas, oui, pourquoi pas. Quand tu te déplaces un petit peu ailleurs de nos frontières, ailleurs de notre monde vosgien, ouais, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent justement dans différents environnements que tu rencontres? Il y a des lieux peut-être qui te parlent plus que d'autres? Ouais, il y a toujours, on visite toujours, quand on part en camion en France ou un peu à l'étranger, on tombe toujours sur des endroits à un moment donné qui sont très beaux, et on se dit tiens, on louerait bien un chalet dans cet endroit pour enregistrer un album, on ferait bien un arrêt ici. Maintenant, en plus, avec les moyens dont on dispose pour faire de la musique, on peut très bien s'imaginer aller un peu n'importe où avec un peu de matériel pour faire des choses, pour s'inspirer. C'est vrai qu'il y a plein d'endroits où on pourrait s'imprégner de ce qui s'y passe, quoi. C'est vrai. Il y a plein de beaux endroits sur le monde. Mais sur oui, la terre. Bien sûr. Ça va, ça a été? Ouais, super. Tu te sens pas trop tout nu? Non, ça va. Bah, tout va bien. Ça va, c'est bien. Allez, je lance un prochain son. Olé. Et puis tu me dis ce que t'en penses. Ok. Allez. I've been crowned the king of it. Courte un peu ce riff de guitare incroyable, mais je suis obligée parce que il nous reste pas beaucoup de temps à passer ensemble. D'accord. Et voilà, on a quand même envie de continuer à parler avec toi. Alors, t'as reconnu, je suppose, hein, voilà, question rhétorique. Ouais, bien sûr. Qui est ce groupe incroyable? Pavement. Ça aussi, ça fait partie des sons que tu ouais, aimais écouter. J'adore, j'adore. D'ailleurs, j'avais ce disque-là, je l'ai filé à un pote qui m'avait fait un clip. Ah ouais? Ouais. Et il est vraiment super. Pavement, c'est la musique de Slacker américaine. Oui. Par excellence, c'est la liberté de jouer mal, c'est la liberté de dire un peu n'importe quoi. C'est super, quoi. Voilà, j'adore. C'est tout ce qu'on aime. Ouais. C'est tout ce qu'on aime. Tu as présenté ton nouvel album dont on parle aujourd'hui, hein, sur la scène intimiste du studio Microclimat à la fin de l'année dernière. Ça exactement. S'est bien passé? Ben ouais, c'était chouette. Ah, c'était tu connaissais? Ouais, je connais bien. Incroyable. Bien. Oui, oui. Tu avais déjà enregistré des sons là-bas, il semble. Oui, j'enregistrais là-bas, ouais, oui. J'ai fait des maquettes chez Dom. Que l'on embrasse. Ouais. Est-ce que d'autres concerts sont prévus bientôt? Oui, on va aller jouer. On va faire quelques dates là, avec Med, qui est de Rouen, qui est guitariste dans Tahiti 80. On va faire trois dates là ensemble. On va aller jouer au Motel à Paris. On va aller jouer à Rouen. Et on va jouer à la Souris Verte, je crois que c'est le 14 mars, tout ça, il me semble. Je 14 suis, mars, je sais la où, Souris le, Verte. 11, non, c'est le 11 mars, la Souris Verte. Voilà, on fait le 9 à Rouen, le 10 à Paris, le 11 à Épinal. Aura-t-il encore un pass sanitaire à ce moment-là? On ne sait pas. J'aimerais beaucoup venir te voir sur scène. Ah ouais, ce serait chouette. Ouais. On verra. Quand tu es sur scène, ça se passe comment? Tu es seul avec ta guitare? Il y a plusieurs formules. Ouais. J'essaye d'arranger un peu les morceaux de façon à ce que je puisse les faire tout seul ou à deux ou à quatre. Certaines fois en mode rock'n'roll parce que c'est quand même un disque qui est assez rock'n'roll quoi. Il y a quand même guitare, basse, batterie, tout ça. Des morceaux qu'on peut adapter, mais des fois c'est bien de pouvoir les jouer avec un peu de puissance et tout ça. Donc cool. Tu es accompagné parfois. Ouais. Tu seras accompagné là par exemple à la Souris Verte. À la Souris Verte, ouais, je serai en duo avec Eddie Lagoya, qui sera la guitare pour moi. D'accord. Voilà. C'est chouette. T'aimes bien être accompagné avec d'autres ou tu préfères vraiment cette formule un peu plus intimiste face aux gens et avec ta guitare? Je dirais que les deux formules, enfin toutes les formules sont bien. C'est vrai qu'il se passe des choses un peu différentes quand on est en formule un peu plus dépouillée, plus acoustique qu'en formule où on est plus en électrique. C'est les choses qui passent sont un peu différentes et j'aime bien les deux quoi. Mais j'aime bien pouvoir avoir un peu de déflagration sonore parce qu'il y a quelques morceaux qui sont vraiment très rock'n'roll sur le disque. Et j'aime bien aussi ce côté intimiste où on peut échanger un peu plus facilement avec les gens, où la voix est plus mise en avant. Voilà, j'aime beaucoup les deux. C'est une mise à nu quand même. Ouais, j'essaie vraiment de faire en sorte que les morceaux puissent être joués dans ces différentes configs, quoi. Super. Est-ce que tu nous rejouerais un petit morceau là, hein? Ouais, je vais faire une reprise. Allez. Je vais faire une reprise de Echo and the Bunnymen. Ouais. Ça s'appelle The Killing Moon. C'est une reprise que j'avais faite avec mon groupe qui s'appelait Silent Days. Ouais. Et c'est un peu emblématique parce que cette chanson m'a permis de faire d'autres disques. Parce qu'en fait, on a une synchro sur une série américaine avec cette chanson-là. Et du coup, ça a débloqué un peu des choses pour pouvoir faire un album derrière. Mais c'est incroyable. Ouais, c'était chouette. Ça, c'en est une de belles anecdotes. Ah ouais. Tu penseras si la prochaine fois on te pose la question. Ok. Mais c'est pour ça que je joue toujours cette chanson encore en concert. Ah, on t'écoute. Je l'aime bien. On t'écoute. Allez. On enlève le casque. Under saw you, so oh soon you'll take me. Open your arms, too late to beg you. I've gone through, though I know it must be the killing time. Against your will, through the thick and thin, it will wait until you give yourself to it. In starlit nights, I saw you. So, oh, cruelly you kissed me. Your lips are magic, well, your sky all hung with jewel. The killing moon will come too soon. Face up against your will, through the thick and until you give yourself to it. Merci beaucoup, Julien, pour cette reprise. Merci. Tellement d'émotions dans ta voix. Est-ce que tu travailles, j'ai perdu mes mots là de t'écouter. On va arrêter cette émission. Non, je rigole. Est-ce que tu travailles une certaine technique de chant ou non, est-ce que aucune. Ok. Non, j'essaie juste d'être honnête en oui. fait. Du coup, je travaille pas trop. J'essaie de chanter de façon, ouais, c'est sûr, à ce qui puisse passer quelque chose quoi. C'est réussi. Ouais. J'essaie de pas modifier ma voix. C'est vrai. Ouais. C'est dur. C'est comme ça depuis toujours. Parce qu'on a tous plusieurs voix, en fait, quand ouais, on c'est chante. Ça, c'est hein, ça. Voix de tête, voix de ouais, coffre, voix nasale. Ouais, ouais. Toi, ça se fait comme ça, naturellement. C'est cette voix-là qui sort. Et... Ouais, ouais, bah ouais, voilà. Du coup, ouais, c'est ça. C'est bien, tu m'apprendras. Sur la pochette de ton album, on t'aperçoit Voilà, un petit peu face cachée. Tu dirais que c'est ton côté sombre ou t'es l'homme de l'ombre? Ouais, j'aime bien. Alors l'idée, c'était d'avoir une pochette vraiment comme à l'ancienne, un peu avec ma tête dessus. Mais comme on la voit pas, je suis content. À la Gainsbourg avec. À la Gainsbourg, ouais, il y a un gros côté Gainsbourg sur cette pochette. C'était pas voulu. Mais ouais, si, en fait, on est rentré d'un apéro avec ma femme et du coup, c'était chez nous. Il y avait la lampe derrière et elle m'a pris en photo et en train de fumer en dessous. C'est génial. Du coup, on a gardé cette toffe, elle est super, je trouve. Donc, ta femme, en plus, a laissé sa petite touche sur cet album. Exactement. Elle participe des fois un petit peu avec toi. Il y a des gens qui collaborent avec toi. On a écrit une chanson, là, tous les deux, sur ce disque. Ouais. Ah, laquelle? Bah, Comet, celle que j'ai jouée tout à l'heure. Ah, magnifique. Tu l'embrasseras de ma part parce que tellement d'émotions. Ça va être mon disque chouchou du moment. Et vous allez réécouter cette musique très régulièrement, auditeurs de Radio Guimozo, sur les ondes, à travers mes émissions et pas que. Ça, c'est sûr. Merci. Alors, est-ce qu'il y aura des clips de certaines chansons de cet album ou c'est pas du tout le... Ouais, j'en ai déjà fait. Là, j'avais fait un clip pour Tu m'entraînes. Ouais. Et pour Ton ombre et ma lumière, Sergio nous a fait un beau clip aussi pour En nous. Et là, je vais faire un clip là pour une chanson qui s'appelle Le sens de la fête. Ah bah oui. Voilà, c'est le prochain clip que je vais faire. Comment ça se passe quand tu tournes un clip? Tu t'éclates? Ouais, c'est souvent un peu à l'arrache parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Alors je fais venir des potes qui ont des caméras et tout ça et après on fait un peu avec ce qu'on a sur le moment et j'essaie de le monter le clip parce que j'adore monter des clips, c'est ma passion. Ouais, je trouve ça tellement rigolo. Ah bon? Ouais. Tu choisis les images, ensemble, tu mets la musique. Ça, ouais, j'essaye. Bon, des fois je me déchire un peu, mais on est là pour apprendre. Et la vie est un apprentissage. C'est vrai, ça. Allez, jonché d'expérience. Ça se passe où quand tu tournes des clips? Ça dépend, je suppose. Là, pour Ton ombre et ma lumière, on avait fait un truc à Bouzé avec mon pote. Là, c'était chouette avec des images de drones et tout ça. Génial. C'était au matin, il y avait un beau soleil, des sapins, des caravanes. C'était super. Et le prochain? Le prochain, j'ai une idée, mais je préfère garder un peu la surprise pour mes 4 fans. Mais non. Est-ce que tu as des grands projets là? Des grands projets musicalement? Musicalement, ouais. Pardon. Ouais, c'est de participer aux prochains albums de mes potes là. Ouais. Je dis pas qui c'est, mais j'ai un pote là qui va faire un disque et dans des conditions un peu particulières. Mais je partagerai sur ma page Facebook parce que je partage aussi ce que je fais un peu à côté des fois. Ouais. Et donc j'ai vraiment hâte de me retrouver dans ce processus d'enregistrement avec ce pote là. Là je suis en train de terminer. Enfin, c'est pas un grand projet, mais je suis en train de terminer 5 bonus là pour l'album qui sortiront. Eh oui. Sortiront cette année, ça sera un peu une extension du disque qui sortira en digital. Donc là, je suis en train de terminer ces 5 chansons là, et puis j'en écris d'autres pour un prochain disque. Et puis j'aimerais pouvoir faire quelques duos aussi avec des artistes que j'aime, mais c'est pareil, j'en parlerai quand ça sera peut-être un peu confirmé. J'en ai parlé pour Eva Nando parce que je sais que c'est mort. Mais j'en parlerai plus tard si jamais ça se confirme, quoi. Tu reviendras pour en parler? Bien sûr. Oh, c'est chouette. On peut te retrouver sur les réseaux, sur internet, un site? Ouais, sur Facebook, sur Bandcamp pour écouter mon disque. Oui. Sur Instagram aussi, je balance des moments de vie. Génial. Voilà. Ouais, les backstage. Les backstage. On adore ça. T'as vu, je travaille un petit peu. Hein. Ouais, tu me donneras des cours. Où est-ce qu'on se procure ton album? Alors, on peut le trouver sur quelques disquaires parce que je bénéficie d'une petite distribution via Lamao Édition, qui est une maison d'édition basée dans le sud-ouest. Oui. On peut le trouver sur Bandcamp, le commandant, sur le label, Puma Records. Il y a un lien sur Bandcamp, on peut le commander directement. Voilà. Super. Sinon, vous pouvez venir me voir en concert, j'ai toujours des exemplaires sur moi. Ben voilà, ça se passe très bientôt à la Souris Verte. On mettra la date exacte avec super. Le podcast de cette émission d'aujourd'hui qui sera d'ailleurs rediffusée ce jeudi à midi pour ceux qui auraient envie de se faire plaisir une nouvelle fois aux oreilles ou alors qui n'auraient pas pu écouter cette émission, on ne sait jamais. J'ai remarqué un petit pentacle derrière. Ouais, c'est pentacle rose. Tu as remarqué les roses? Ah oui. Alors, bon, c'est une petite métaphore pour dire que l'enfer c'est l'amour, l'enfer c'est les autres, l'enfer c'est pas mal des fois aussi. Il y a des chansons qui naissent de tout ça. Ouais. C'est parfois très beau. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ? Oh ben, de pouvoir continuer à faire des chansons le plus longtemps possible. Allez, adjugé. On va finir avec une chanson de ton album que tu as choisi, Tu m'entraînes. Tu m'as dit que c'était ta préférée. Ouais, c'est ma préférée, ouais. Pourquoi ? Ben, je trouve que le riff de guitare est très bourrin, mais en même temps, c'est une tournure assez pop. Hein. J'aime bien cette espèce de mélange entre le grunge, on va dire, et la pop. Je trouve que je suis pas le genre à dire que j'aime bien ce que je fais, mais là, je suis content d'avoir trouvé ce truc-là. Voilà. On est content aussi. On va écouter ça tout de suite. Et puis voilà, auditeur, je t'embrasse. Je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo. Je te souhaite une très belle journée. Tu m'as ramené le soleil, Julien. Eh bien, super. J'espère qu'il va rester un peu ici. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.